Putain, y'a rien, c'est encore toi, enfoiré. Avec la plus bonne d'aboîte. Et je suis d'ailleurs, je suis tellement d'ailleurs. Quand je rencontre, je repense au sous du détail. Ah putain de merde, j'ai plus rien d'autre à faire à part compter mes tunnels, merci le bon Dieu. Mais y'a encore cette pute qui croit que je vais lui faire un gosse sa mère. Toujours la même niaque, je suis revenu les niquer plus qu'avant. On est cramé à cause du four, les petits deviennent des grands, les grands finissent yeux dans le vif. On exhibe des billets violets, mon disque de rap et des envies. Je me fais masser par une Thaïlandaise, 90 minutes après j'en reveux. Et y'a qu'on dit, on connaît les bêtes. Quand on doit couper la part en deux, ma mère m'a dit d'investir mes pieds et de ne jamais donner mon dos. Et maintenant, depuis que je suis dur, je redoute que les gros sont des gros mystères. Et patati, et patata, y'a que les gamins pour croire qu'ils sont blindés. Flashback du.